Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est Thierry Gallet. C'est la saga des Fab Four numéro 615 et on est le dernier mercredi du mois d'octobre, le 30 octobre 2024. L'album de la semaine, c'est l'album Rubber Soul des Beatles en 1965. On écoutera Norwegian Wood, il y aura Drive My Car, In My Life, Girl, Nowhere Man et What Goes On. Il y aura également du McCartney, du Harrison, du Lennon et du Starr. Pour McCartney, ce sera Junk en 1970 sur l'album éponyme qui s'appelle McCartney, puisque j'ai dit pour McCartney, c'est un album éponyme, donc du même nom. Oui, j'ai envie de faire le beau ce soir. George Harrison, ce sera Be Here Now, mais attention, extrait de l'album qui va sortir là au mois de novembre, le remix 2024 de Living in a Material World pour les 50 ans, même 51 ans si on fait attention, de cet album fantastique, très bon album de George Harrison. Donc ce sera le nouveau mix et vous allez voir, le son est absolument super bien, très très bon. Lennon nous chantera You Can't Catch Me sur Rock and Roll en 75. Quant à Ringo Starr, vous savez l'album Sentimental Journée, le premier album post-Beatles, celui pour lequel il disait j'ai repris des chansons pour faire plaisir à ma maman. Eh ben, il est très bien cet album, il vieillit bien. Il n'avait que 30 ans lorsqu'il a fait ça et je trouve que ça sonne très très bien. Sentimental Journée, c'est le nom de l'album en 70 et Love is a Made is... Je vais reprendre. Love is a Many Splendid Thing, ce sera le titre de la chanson que l'on écoutera sur cet album. Je vous invite à nous retrouver, pas seulement moi, sur le groupe Facebook de l'émission, le groupe La Saga des Fab Four. Voilà, je vous souhaite de passer une très très bonne soirée. On est ensemble jusqu'à à peu près 22h, hein, comme d'habitude. Et voilà, à tout de suite. J'ai failli dire bon Noël, je suis un peu en avance. Tout de suite. Non, Norwegian Wood, mais une version un peu spéciale que je vous ai concoctée juste pour le plaisir. Écoutez. Take four. Voilà, la chanson étant la même, j'ai eu envie de vous le diffuser. C'est une version alternative qui existe sur des disques qui n'existent pas. Sleeping bags for two, sentimental jazz. past was being now, and it's not what it was before. Le disque va ressortir en coffret d'ici une quinzaine de jours et il est évident que lorsqu'il sera sorti, le disque 2024 de cet album Living in a Material World, ce sera l'objet d'un album de la semaine puisqu'il y aura des versions différentes. J'en ai une, je crois, de Be Here Now que je ne vous ai pas proposé aujourd'hui. Je vous en proposerai certainement une autre fois, peut-être la semaine prochaine. Mais ne vous inquiétez pas, on est là pour vous, on est là pour ça. C'est ça, RIG 90.7. C'est la radio des Beatles. Yeah. Et comme disaient les copains de George Harrison, and now for something completely different. Maintenant, quelque chose de complètement différent. Seul point commun, vous êtes sur RIG. Le début de cette émission, l'album de la semaine est et reste Rubber Soul, sorti en 1965 par les Beatles. Nous avons écouté au début Norwegian Wood avec deux faux départs, oui, ça c'est le petit plus de la saga. Il y a eu ensuite Junk par Paul McCartney sur l'album McCartney en 1970, suivi de Be Here Now, mais pas dans la version de 1973 par George Harrison sur l'album Living in a Material World, mais la version du 50e anniversaire qui va paraître d'ici une grosse quinzaine de jours, au milieu du mois de novembre donc, et dont vous aurez des extraits naturellement dans les prochaines émissions. Et le jour venu, il y aura l'album en album de la semaine, c'est certain. Il y a eu ensuite « You Can't Catch Me » par John Lennon, John, c'est pas mal, sur l'album Rock'n'Roll en 75. Et à l'instant, Ringo Starr, Love is a Many Splendid Thing, sur l'album Sentimental Journée en 1970. Avant d'en revenir aux Beatles et d'écouter Drive My Car, il faut que je vous parle des trois sites, deux français, un anglais, sur lesquels vous pouvez compter pour tout savoir sur les Beatles. Il y a d'abord le Maca Club qui va vous parler de McCartney forcément. Et McCartney est en tournée actuellement. Ça va faire 2 ans maintenant qu'il fait la même tournée, mais c'est bien parce qu'il a quand même 82 balais, le monsieur, hein, donc chapeau, et des concerts d'à peu près 3 heures, chapeau, bravo. Et même si la voix n'est plus ce qu'elle était, même si là j'ai entendu des trucs qui m'ont fait plaisir, peut-être qu'en prenant plus de temps, il conserve un peu mieux sa voix. On verra ça d'ici le 4 et le 5 décembre à Paris, puisqu'il sera à Paris, et j'en serai moi le 5. Et j'espère qu'on va bien s'amuser, que ça va être sympa et que surtout voir cette légende vivante, c'est quand même quelque chose qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie. Moi, je crois que ce sera la 7e. C'est pas énorme, mais c'est pas mal quand même. Donc ça, c'est le Maca Club. Il y a aussi le Maca Club que vous retrouvez sur un forum sur le net et

Chanson extraite du même album, le Super Deluxe, sorti en 2021, l'album Let It Be Super Deluxe, dont la sortie originelle était en 1970. La première, c'était I'm In Mine, et la seconde que vous venez d'entendre à l'instant, c'est la version de John... comment s'appelle-t-il déjà Glyn John Mix, voilà, c'est-à-dire la version que souhaitait entendre Paul McCartney, une version pure avec juste un piano, trois fois rien. Et McCartney a été très, très irrité d'entendre tous les violons qu'a rajouté Phil Spector, etc. Je vais vous dire sincèrement, j'aime les deux versions. La version pure, elle est bien. La version avec des violons, elle est bien aussi. La seule différence, c'est que l'idée de l'album qui devait s'appeler Come Together au départ, qui devait s'appeler Get Back, pardon, était de revenir à la simplicité après avoir... fait beaucoup de réenregistrements, etc. Ils voulaient faire quelque chose de simple que juste eux étaient capables de faire à quatre et rien de plus. Donc, cette version-là correspondait à ce que souhaitait Paul McCartney. Voilà. Après, il y a eu la séparation et il y a eu aussi des attaques. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, peut-être c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, je vous ai proposé la chanson de John Lennon qui s'appelle « How do you sleep ?» dans laquelle il prétend avoir répondu aux vacheries de Paul McCartney. Pourtant, dès 1971 et l'album Wings, enfin l'album Wildlife, qui est un début des Wings, il tend la main à son pote John Lennon avec cette chanson « Dear Friend » qu'on écoute maintenant sur RG. Dear friend, what's the time? Is this really the

bring them all wild, dancing on the floor. So is you ready to get high with me? I tell you, don't delay. Come on, baby, hear him play. He's got the hottest gong in town. When Mr. Yao became the number one, so if you're ready to get high with me, you can meet your sister. Tell you, look out, brother, you've got the hottest gong in town. Well, you heard about a Smokey Joe. Well, there's someone else that you ought to know about, a little guy named Sifu Yao. Une chanson rare de George Harrison qui date de l'époque du film Shanghai Surprise, mais que l'on retrouve sur un album très rare aussi, qui s'appelle Songs by George Harrison en 1992, sorti à très peu d'exemplaires. Mais c'est une belle chanson en tout cas. On revient à l'album de la semaine sur RIG 90.7 qui est LA radio des Beatles, le mercredi soir entre 20h et 22h. Voici extrait de l'album Rubber Soul, In My Life sur RIG. Places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better, some have gone, and some remain. All these places had their moments with lovers and friends. I still can recall. Dans la saga des Fab Four. 1973, l'album Ben on the Run. Ma sœur, oui, je vous parle de ma sœur, qui a 12 ans de plus que moi, a donc bien connu les années 70 et cet album-là, Ben on the Run. Et elle m'a dit, je me souviens, que lorsque ce titre, Let Me Roll It, passait à la radio, les gens, à l'époque, se disaient, mais ça sonne comme du John Lennon, il y a la voix en écho, il y a le riff, il y a le ah, ah, ah à la fin, c'est John Lennon. Eh ben non, c'était Paul McCartney. Paul McCartney est un caméléon, il fait ce qu'il veut. Il sait imiter tout le monde et avec génie, tout le temps. RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. Et là, c'est le carnaval de McCartney. Je le passe rarement, mais bon, pourquoi pas aujourd'hui. Cet extrait de Venus and Mars. Au départ, c'était un 45 tours, une face B de 45 tours. Mais c'est revenu sur Venus and Mars lorsqu'il y a eu la ressortie le remaster. Cette chanson, si vous ne l'aviez pas vue sur le remaster de Venus and Mars, vous l'aviez également sur le 45 tours qui date des années 80, le 45 tours Spies Like Us, sorti en 1985. Oh my.

Le christianisme et Jésus en particulier semblaient contrarier John. À l'époque où il écrivit Girl, il dévorait tous les livres qu'il pouvait trouver sur la religion. 4 mois après avoir composé Girl, il donna à Maureen Cleave l'interview dans laquelle il déclarait que les Beatles étaient devenus plus célèbres que Jésus. Grand mal lui prit. Dans un registre beaucoup moins sérieux, la plaisanterie dans Girl est que Paul et George, qui assurent les chœurs, répètent tout au long de la chanson le vocable « tit », ça vous plaît, hein, moi aussi, qui au départ est une onomatopée, mais qui signifie également le téton en argot. « Tit, tit, tit, tit, yeah !» Nous arrivons à la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles ou même une fois qu'ils ont pris leur carrière solo, même si eux-mêmes faisaient la cover de quelqu'un d'autre. C'est arrivé à George Harrison, par exemple. Et on l'a fait de multiples fois avec Bob Dylan, avec d'autres. Cole Porter, par exemple. Bon, eh bien, ça peut être des personnalités connues ou pas. Ça peut être vous aussi. Là, cette cover m'a été suggérée par l'un d'entre vous, qui va se reconnaître à coup sûr. La chanson s'appelle... Enfin, la chanson, c'est Revolution, mais ceux qui jouent sont les Quetel and Bean, donc une sorte de remix entre les Beatles et les Queen. À vous de voir si ça correspond. En tout cas, c'est une version différente de Revolution sur RIG. you want money for people with my standing. All I can tell you is, brother, you love to win. But you know it's gotta be. Ben c'est plutôt pas mal. Merci aux Quetzals and Bean qui sont passés sur la radio érigée 90.7, qui est la radio des Beatles, dans la séquence La Cover. Vous pouvez m'en proposer comme ça, si c'est bien fait, ben il n'y a pas de problème, je les passe durant la cover. La chanson suivante, vous savez, c'est Les Ressemblants A ou Les Fils d'eux. Eh bien là, c'est Ressemblants A parce que c'est quelqu'un qui a bossé pendant de nombreuses années avec Ringo Starr, il s'appelle Mark Hudson. Je crois qu'ils se sont fâchés, Ringo et Mark, parce que Mark donnait l'impression de se servir un petit peu de Ringo pour sa propre gloire à lui. Et je vous propose justement une chanson qui ressemble à ce que font les Beatles, ou à ce qu'ont fait les Beatles, sur l'album qui s'appelle The Artist en 2014. Le titre du morceau, c'est Forget You Too. J'aime beaucoup cette chanson. Et voilà, ça fait penser à... Au lieu de dire ressemblant à, ça fait penser à... Écoutez. I used to dream of only you, but now I don't do that. I used to miss talking to you, but now I don't do that. Since you've been gone, single day that I wouldn't give to you.

sommes en 1976 sur l'album Rotogravure et l'avantage, ce qui est intéressant de lorsqu'on écoute la saga des Fab Four, c'est qu'on peut piocher dans tous les albums des quatre, il y a toujours une perle quelque part. Par exemple, cet album Rotogravure n'est pas un album extraordinaire de Ringo Starr, il a fait beaucoup mieux plus tard. Mais cette chanson-là, You Don't Know Me At All, par exemple, fait partie des petites perles que je trouve très sympathiques de la part de notre bon vieux batteur des Beatles. Bon, nous allons réécouter Ringo Starr dans quelques instants, mais auparavant, il faut que je vous dise que ce mercredi 30 octobre, c'est aujourd'hui, dès 22h, marque-t-il, n'a pas peur, sur RIG 90.7, dans l'émission Johnny de A à Z, il y aura l'album de la semaine Jamais Seul, les passages TV et les interviews de 2011. Avec Eric Gallo, forcément. Donc je compte sur vous, à partir de 22h à peu près, de rester sur l'antenne de 90.7 pour écouter cette fabuleuse émission qui s'appelle Johnny de A à Z. En attendant, il va sortir à partir du 10 janvier 2025, l'album qui s'appelle Look Up. Je l'ai proposé la semaine dernière, je le repropulse cette semaine parce que j'aime cette chanson. Time on My Hands, le nouveau Ringo Starr sur RIG. I used to have a true love, everything was fine. But now she's found a new love, she's no longer mine. I thought it was forever, but she had other plans. Now these arms are empty, and I've got time on my hands. I turned my collar up, kept my eyes turned down. I walked the empty streets, the blue side of town. When she was my baby, I was a busy man, but she slipped through my fingers, and I've got time on my hands, time on my hands. The lessons been learned, I'm over here. Thank you. temps passe vite. On retrouve l'album de la semaine pour l'avant-dernière fois. Le titre du morceau, c'est L'homme de nulle part dans son pays de nulle part, qui ne va nulle part et qui était en fait John Lennon, qui avait une page blanche depuis des heures et des heures et qui n'arrivait pas à trouver un thème de chanson. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land. Sure. John Lennon, extrait de l'album Rock'n'Roll en 1975. La petite anecdote très intéressante sur cette chanson-là, c'est qu'un petit jeune homme de 12 ans fait sa première apparition derrière la batterie. Il aura un bel avenir devant lui parce qu'il va chanter avec de la réussite. Il s'agit de Julian Lennon qui était à la batterie sur cette chanson-là avec son père. Revolution. Mais la version connue des Beatles, le 45 tours sur RIG. Talk about destruction. Don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. For a contribution, well, you know, we all doing what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be alright? Institution, well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Je vous propose, parce qu'il va falloir accélérer si on veut essayer de tout passer, une chanson qui est extraite d'un album qui n'existe pas, qui n'est pas sorti en 1987 de Ringo Starr, qui s'appelle The Memphis Demo. Le titre du morceau, c'est I've Changed My Mind. Belle chanson, elle pourrait sortir quand elle veut. Love was only sorrow.

Qu'est-ce qu'il y a sur l'autre face? Ce morceau, The Ballad of John and Yoko. Du même single en 1969. Ce morceau, c'est l'avant-dernier de l'album, de la saga, pardon. J'ai mis du mal à rentrer dedans. Cet extrait de London Town, c'est Mons Moose and the Grey Goose. Et puis, on se laisse prendre, comme toujours avec Paul McCartney. Au bout d'un moment, on trouve ça fantastique. J'adore ce morceau. Il est puissant, il est... Et tout ce que vous voulez, c'est bien. Dans quelques minutes, ce sera Johnny de 1 à Z sur RIG. Allez, montez le son. Cadence was a steady boat. People said she'd never float. But one night when the moon was high, the grey goose flew away. As we were sailing round the rocks, the mate took out his compass box. Said the wind is like a fox, but the grey goose flew away. Upon the open sea, the admiral, the mate and me, we went to face eternity, but the grey goose flew away. Et comme Eric commence à piaffer d'impatience, le dernier morceau, Ringo Starr, l'année dernière sur l'album Crooked Boy, voici Gonna Need Someone sur RG. Someone. de m'avoir accordé un tout petit peu plus comme d'habitude. Hein. Vous savez, le principe du biscuit qu'on voudrait un petit peu plus grand. Et bien, il me l'accorde à chaque fois. Il est trop gentil. Je vous laisse entre ses mains expertes, sa voix de velours et ses choix absolument fantastiques de playlist pour Johnny Hallyday. Ça va être très, très intéressant. Je vous dis à très bientôt. Salut les filles et salut les garçons. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? À la semaine prochaine. Ciao.